Chapitre 40e. La princesse avait invité pour ce soir-là tout ce qu'il y avait de mieux à Piatigorsk. Elle savait fort bien que toutes les fois que la journée a été marquée par un événement quelconque, les nerfs sont plus tendus, les esprits plus animés, les hommes ont plus d'esprit, les femmes sont plus jolies. Il semble que chacun ait un excédent de vie à dépenser, chose rare dans la vie ordinaire. Aussi ouvre-t-elle son salon presque régulièrement dans ces occasions. On n'avait pas besoin d'invitation spéciale. Deux grandes lanternes à la grille du jardin annonçaient qu'il y avait réception à la villa Redine, et tous ceux qui y avaient accès à l'ordinaire pouvaient s'y présenter. Demian s'y rendit avec Hélène. Il eût préféré y aller seul. Mais il se trouvait dans la période où les moindres désirs sont désordre. Jusque-là, il flottait dans la plus vague incertitude. Parfois, il osait tout espérer. Le plus souvent, il retombait du ciel l'instant d'après, ramené à la réalité par un mouvement dédaigneux, un sourire absent, un regard glacial, qui le jetait dans les perplexités les plus désolantes. Étant donné sa complète servitude morale auprès d'une femme qu'il aimait fiévreusement, et à laquelle il lui était impossible d'adresser un mot d'amour, il ne pouvait qu'obéir à ses caprices. Il arriva donc vers 10 heures, inquiet et mécontent, mais espérant fermement qu'au moins pour son avenir, cette soirée aurait un résultat. Le calculateur, qui dans Demian côtoyait sans cesse l'artiste, lui soufflait à l'oreille que sa présence au milieu de tant de hauts personnages ne pouvait manquer de lui créer des relations utiles. Notre ami connaissait trop peu le monde pour comprendre qu'en engageant Hélène à l'accompagner, la princesse avait entendu le reléguer au rang d'un simple artiste, venu pour charmer l'auditoire, non d'un ami reçu sur le pied de l'intimité. Certaines femmes, dont les principes ne sont assurément pas plus étroits que ceux de la princesse, et qui n'apportent pas plus de sévérité dans l'application de ces principes, peuvent aimer des hommes qui leur sont inférieurs comme position. On a vu des reines épouser des bergers, et même ne pas les épouser du tout, ce qui était bien plus embarrassant. Mais elles se font une sorte de code d'honneur à elles qui les oblige à élever autant que possible, à rapprocher d'elles à tout prix celui qui a su les gagner à sa cause. Ce besoin de faire un piédestal à l'homme qu'elles ont choisi est pour elles une sorte de réhabilitation. C'est même un aveu inconscient de leur faiblesse, et un besoin de la réparer autant que possible, ou tout au moins de l'expliquer. La princesse n'éprouvait rien de pareil, et c'est ce qui la distinguait de toutes les Dalila. Elle ne désirait pas voir grand celui qui lui plaisait. À quoi bon? Qu'eût-elle pu y gagner? Au contraire, l'élu devenu grand se fut peut-être arrogé des droits. La princesse se contentait pour eux d'une médiocrité dorée, d'une modestie pleine de charme, qui n'attirait sur eux ni sur leur histoire l'attention de personne. Mais elle avait du goût, et ne regardait jamais deux fois un imbécile, fût-il beau comme Antinous. Elle accueillit les deux artistes avec une grâce sans égale. Jamais Damien n'en avait obtenu de si bonnes paroles. Il est vrai qu'Hélène en eut presque autant pour sa part. Mais il est facile de supposer qu'on choisit vos amis pour l'amour de vous. Et c'est ce que notre modeste artiste ne manqua point de se dire. « J'ai voulu, dit Cléopâtre en les conduisant au piano, que le prince, privé du concert de tantôt, eut aussi sa petite part de jouissances artistiques. Il eût été vraiment trop malheureux de nous entendre parler d'une semblable fête et de n'en avoir pas entendu le moindre écho. » Le prince grogna un assentiment. Avec les bonbons, la musique était ce qu'il aimait le mieux au monde et il en fit cercle pour écouter. Hélène s'assit sur le tabouret, une véritable sellette, avec une résolution désespérée. Jusqu'alors, elle avait fait abnégation d'elle-même, s'oubliant pour Demian, heureuse de le compléter et ignorant qu'elle dût avoir une valeur propre. Cette valeur, elle sentait qu'elle la possédait, mais à quoi bon la mettre en lumière? La nécessité de ne plus être une ombre, de devenir un astre aussi, lui était apparue au détour du sentier, dans le jardin en même temps que la princesse. « On ne fait pas cas de moi, » s'était-elle dit. « Je vais leur prouver que je ne suis pas ce qu'ils pensent, et qui sait, peut-être lui-même, m'en aimera-t-il mieux ?» À la manière dont elle joua les quelques mesures de prélude, on s'entre-regarda dans le salon. Ce n'est pas ainsi qu'elle avait joué le matin. Qui eût cru cette petite accompagnatrice capable d'une telle décision, d'un accent si personnel? Elle continua, et chose singulière, le talent qu'elle développait fut si grand qu'il rejeta momentanément celui de Demian dans l'ombre. Il le sentit, et une sorte de colère lui monta au cerveau. « Ah, tu veux jouer mieux que moi ?» se dit-il. « Nous allons voir si tu en es capable. » Ce n'était plus l'accompagnement soumis, destiné à mettre en valeur le chant du violon. C'était la lutte des deux instruments, lutte passionnée et passionnante, où Hélène eut le dessus, car elle combattait pour sa dignité, pour son amour, tandis que Demian ne combattait que pour son orgueil. Ils furent couverts d'applaudissements sincères. On aime la musique jusqu'au délire en Russie. Et la princesse, s'adressant à Demian, lui dit avec un accent qu'il n'avait jamais entendu « Vous vous êtes surpassé. » Raben, qui s'était approché doucement du piano, dit à la petite Hélène, tout bas, pendant que le bruit des voix couvrait la sienne « Vous avez un talent prodigieux. Jouez quelque chose à vous toute seule. Vous ferez plaisir à la princesse. » Hélène le regarda d'un air indécis, puis reporta ses regards sur le groupe qui entourait Demian et secoua la tête. « Non, monsieur, » dit-elle. « Je suis venu pour accompagner M. Markov, non pour me faire entendre. » Raben ôta son pince-nez, offrit une chaise à la petite pianiste et resta debout devant elle. « Je vous fais compliment, mademoiselle, » lui dit-il avec autant de déférence que s'il lui parlait à l'héritière d'un grand nom. « Vous faites preuve d'un tact et d'une modestie peu ordinaire. » Elle reçut l'éloge sans se troubler. Il y a des heures où la plus simple fillette se sent au-dessus de tout. Critique ou louange, c'est quand le bonheur de sa vie est en péril. « Vous avez beaucoup d'amitié pour M. Markov, n'est-ce pas ?» continua Raben. « Vous devriez bien lui conseiller de ne pas s'abandonner au plaisir du monde. Plus d'un y a perdu son talent, sa foi en lui-même et bien d'autres choses encore. Me comprenez-vous ?» Elle le regarda d'un air effrayé et fit un signe de tête. « N'ayez pas peur. Votre ami ne court aucun danger matériel, du moins. Mais le danger peut venir. À l'âge de M. Markov, il faudrait travailler beaucoup, ne pas se croire arrivé, chercher à faire mieux, et surtout, vivre au sein de la famille, dans un intérieur paisible, au milieu des joies honnêtes. Vous avez encore votre mère, à ce que je crois. » Hélène fit un geste d'assentiment sans répondre. Elle se sentait le cœur serré et n'osait rien dire. Vous devriez former une seule famille, bien unie. Vous qui avez de l'influence sur M. Markov. Non, dit-elle avec douceur, mais d'une voix ferme. Je n'ai pas d'influence sur M. Markov. Il la regarda avec une bienveillance nouvelle. Tâchez d'en prendre, dit-il. Vous lui feriez beaucoup de bien. Excusez ma franchise, mademoiselle. Je n'ai pas le droit de vous parler ainsi. Mais à mon âge, on peut considérer les jeunes filles du vôtre presque comme des enfants. Jamais Raben n'avait parlé de son âge. Et la princesse eût bien ri si elle avait entendu ce langage nouveau. Nouveau, en effet, à tous les points de vue. Car Raben lui-même venait de ressentir à la vue de la jeune fille un sentiment étrange qui ressemblait fort à une tendre pitié. On a beau être diplomate, il reste dans le cœur quelque source non tarie, qui sourde tout à coup au moment où l'on y pense le moins, ravivant une fraîcheur qu'on croyait détruite. Raben venait de découvrir une de ses sources. « Je passe pour un méchant homme, » dit-il à Hélène, peut-être pour s'excuser de sa sensibilité inaccoutumée. « Je le suis quelquefois, mais jamais avec les enfants et les faibles de ce monde. » Il se leva en souriant et alla rejoindre le groupe où triomphait Demian, laissant la petite pianiste le suivre d'un regard inquiet et reconnaissant. On recommença à faire de la musique. Mais Hélène n'avait plus l'animation qu'il avait exaltée la première fois. Elle s'acquitta de sa tâche avec goût, avec talent, mais de manière à se faire pardonner par Demian le tort qu'elle avait eu précédemment. Vers minuit, avertie par un coup d'œil de Raben, Hélène dit au jeune artiste « N'est-il pas temps de nous en aller ?» Il regarda autour de lui, vit qu'on l'oubliait, et comprit que le moment de partir était venu. S'approchant de la princesse, il voulut lui adresser quelques paroles de remerciement. Elle l'interrompit sans l'entendre. « À demain matin, 10 heures, » dit-elle. « Nous reprendrons nos études, n'est-ce pas ?»« Bonsoir, mademoiselle, je vous remercie. » Et elle leur tourna le dos avec une grâce sans pareille. Le lendemain, à son réveil, Hélène trouva dans un écrin apporté pour elle par le valet de pied de la princesse une bague d'or ornée de turquoise. Elle la regarda longtemps et l'offrit à Victor en lui disant « Ce sera pour vous faire une épingle de cravate. » Il avait bonne envie de refuser, mais il réfléchit, se dit qu'on demanderait ce qu'elle était devenue, et il la mit dans sa poche de son gilet sans plus de formalité.